Lévitique chapitre 13. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron, en disant, l'homme qui aura dans la peau de sa chair une tumeur, ou gale, ou bouton, et que cela paraîtra dans la peau de sa chair comme une plaie de lèpre, on l'amènera à Aaron sacrificateur, ou à un de ses fils sacrificateurs. Et le sacrificateur regardera la plaie qui est dans la peau de sa chair, et si le poil de la plaie est devenu blanc, et si la plaie, à la voir, est plus enfoncée que la peau de sa chair, c'est une plaie de lèpre, le sacrificateur donc le regardera, et le jugera souillé. Mais si le bouton est blanc en la peau de sa chair, et qu'à le voir il ne soit point plus enfoncé que la peau, et si son poil n'est pas devenu blanc, le sacrificateur fera enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie. Et le sacrificateur la regardera le 7e jour, et s'il aperçoit que la plaie se soit arrêtée, et qu'elle n'est point crue dans la peau, le sacrificateur le fera renfermer pendant 7 autres jours. Et le sacrificateur la regardera encore le 7e jour suivant, et s'il aperçoit que la plaie s'est retirée, et qu'elle ne s'est point accrue sur la peau, le sacrificateur le jugera net, c'est de la gale, et il lavera ses vêtements, et sera net. Mais si la gale a cru en quelque sorte que ce soit sur la peau, après qu'il aura été examiné par le sacrificateur pour être jugé net, et qu'il aura été examiné pour la seconde fois par le sacrificateur le regardera encore, et s'il aperçoit que la gale est crue sur la peau, le sacrificateur le jugera souillé, c'est de la lèpre. Quand il y aura une plaie de lèpre en un homme, on l'amènera au sacrificateur, lequel le regardera, et s'il aperçoit qu'il y ait une tumeur blanche en la peau, et que le poil soit devenu blanc, et qu'il paraisse de la chair vivant la tumeur, c'est une lèpre invétérée en la peau de sa chair, et le sacrificateur le jugera souillé, et ne le fera point enfermer, car il est jugé souillé. Si la lèpre boutonne fort dans la peau, et qu'elle couvre toute la peau de la plaie, depuis la tête de cet homme jusqu'à ses pieds, autant qu'en pourra voir le sacrificateur le regardera, et s'il aperçoit que la lèpre est couvert toute la chair de cet homme, alors il jugera net celui qui a la plaie est devenue toute blanche, il est net. Mais le jour auquel on aura aperçu de la chair vive, il sera souillé. Alors le sacrificateur regardera la chair vive, et le jugera souillé, la chair vive est souillée, c'est de la lèpre. Que si la chair vive se change, et devient blanche, alors il viendra vers le sacrificateur. Et le sacrificateur le regardera, et s'il aperçoit que la plaie soit devenue blanche, le sacrificateur jugera net celui qui a la plaie, il est net. Si la chair a eu en sa peau un ulcère, qui soit guéri, et qu'à l'endroit où était l'ulcère il y ait une tumeur blanche, ou une pustule blanche roussâtre, il sera regardé par le sacrificateur. Le sacrificateur donc la regardera, et s'il aperçoit qu'à la voir, elle soit plus enfoncée que la peau, et que son poil soit devenu blanc, alors le sacrificateur le jugera souillé, c'est une plaie de lèpre, la lèpre a boutonné dans l'ulcère. Que si le sacrificateur la regardant, aperçoit que le poil ne soit point devenu blanc, et qu'elle ne soit point plus enfoncée que la peau, mais qu'elle se soit retirée, le sacrificateur le fera enfermer pendant 7 jours. Que si elle s'est étendue en quelque sorte que ce soit sur la peau, le sacrificateur le jugera souillé, c'est une plaie. Mais si le bouton s'arrête en son lieu, ne croissant point, c'est un feu d'ulcère, ainsi le sacrificateur le jugera net. Que si la chair a en sa peau une inflammation de feu, et que la chair vive de la partie enflammée, soit un bouton blanc roussâtre, ou blanc seulement, le sacrificateur le regardera, et s'il aperçoit que le poil, soit devenu blanc dans le bouton, et qu'à le voir il soit plus enfoncé que la peau, c'est de la lèpre, elle a boutonné dans l'inflammation, le sacrificateur donc le jugera souillé, c'est une plaie. Lèpre. Mais si le sacrificateur le regardant, aperçoit qu'il n'y a point de poil blanc au bouton, et qu'il n'est point plus bas que la peau, et qu'il s'est retiré, le sacrificateur le fera enfermer pendant 7 jours. Puis le sacrificateur le regardera le 7e jour, et si le bouton a cru en quelque sorte que ce soit dans la peau, le sacrificateur le jugera souillé, c'est une plaie de lèpre. que si le bouton s'arrête en son lieu sans croître sur la peau, et s'est retiré, c'est une tumeur d'inflammation, et le sacrificateur le jugera net, c'est un feu d'inflammation. Si l'homme ou la femme a une plaie en la tête, ou l'homme en la barbe, le sacrificateur regardera la plaie, et si à la voir elle est plus enfoncée que la peau, ayant en soi du poil jaunâtre délié, le sacrificateur le jugera souillé, c'est de la teigne, c'est une lépreux de tête, ou de barbe. Et si le sacrificateur regardant la plaie de la teigne, aperçoit, qu'à la voir elle n'est point plus enfoncée que la peau, et n'a en soi aucun poil noir, le sacrificateur fera enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne, et le 7e jour le sacrificateur regardera la plaie, et s'il aperçoit que la teigne ne s'est point étendue, et qu'elle n'a aucun poil jaunâtre. Et qu'à voir la teigne elle ne soit pas plus enfoncée que la peau, celui qui a la plaie de la teigne se rasera, mais il ne rasera point l'endroit de la teigne, et le sacrificateur fera enfermer pendant 7 autres jours celui qui a la teigne. Puis le sacrificateur regardera la teigne au 7e jour, et s'il aperçoit que la teigne ne s'est point étendue sur la peau, et qu'à la voir elle n'est point plus enfoncée que la peau, le sacrificateur le jugera net, et cet homme lavera ses vêtements, et sera net. Mais si la teigne croit en quelque sorte que ce soit dans la peau, après sa purification, le sacrificateur la regardera, et s'il aperçoit que la teigne est crue dans la peau, le sacrificateur ne cherchera point de poil jaunâtre, il est souillé. Mais s'il aperçoit que la teigne se soit arrêtée, et qu'une élie soit venue du poil noir, la teigne a guéri, il est net, et le sacrificateur le jugera net. Et si l'homme ou la femme ont dans la peau de leur chair des boutons, dis-je, qui soient blancs, le sacrificateur les regardera, et s'il aperçoit que dans la peau de leur chair, il y ait des boutons retirés et blancs, c'est une tache blanche qui a boutonné dans la peau, il est donc net. Si l'homme a la tête pelée, il est chauve, et néanmoins il est net. Mais si sa tête est pelée du côté de son visage, il est chauve, et néanmoins il est net. Et si dans la partie pelée ou chauve, il y a une plaie blanche roussâtre, c'est une lépreux qui a bourgeonné dans sa partie pelée ou chauve. Et le sacrificateur le regardera, et s'il aperçoit que la tumeur de la plaie, soit blanche roussâtre dans sa partie pelée ou chauve, semblable à la lèpre de la peau de la chair, l'homme est lépreux, il est souillé, le sacrificateur ne manquera pas de le juger souillé, sa plaie étant sa tête. Or le lépreux en qui sera la plaie, aura ses vêtements déchirés, et sa tête nue, et il sera couvert sur la lèvre de dessus, et il criera, « Le souillé, le souillé !» Pendant tout le temps qu'il aura cette plaie, il sera jugé souillé, il est souillé, il demeurera seul, et sa demeure sera hors du camp. Et si le vêtement est infecté de la plaie de la lèpre, soit vêtement de laine, soit vêtement de lin, ou dans la chaîne, ou dans la trame du lin, ou de la laine, ou aussi dans la peau, ou dans quelque ouvrage que ce soit de pelloterie. Et si cette plaie est verte, ou roussâtre dans le vêtement, ou dans la peau, ou dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans quelque chose que ce soit de peau, ce sera une plaie de lèpre, et elle sera montrée au sacrificateur. Et le sacrificateur regardera la plaie, et fera enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie. Et au 7e jour il regardera la plaie, si la plaie est crue au vêtement, ou en la chaîne, ou en la trame, ou en la peau, ou en quelque ouvrage que ce soit de pelloterie, la plaie est une lèpre rongeante, elle est souillée. Il brûlera donc le vêtement, la chaîne, ou la trame de laine, ou de lin, et toutes les choses de peau, qui auront cette plaie, car c'est une lèpre rongeante, cela sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur regarde, et aperçoit que la plaie ne soit point crue au vêtement, ou en la chaîne, ou en la trame, ou en quelque autre chose qui soit faite de peau, le sacrificateur commandera, qu'on lave la chose où est la plaie, et il le fera enfermer pendant 7 autres jours. Que si le sacrificateur, après qu'on aura fait laver la plaie, la regarde, et s'il aperçoit que la plaie n'ait point changé sa couleur, et qu'elle ne soit point accrue, c'est une chose souillée, tu la brûleras au feu, c'est une enfonçure en son envers, ou en son endroit pelé. Que si le sacrificateur regarde, et aperçoit que la plaie se soit retirée après qu'on l'a fait laver, il la déchirera du vêtement, ou de la peau, ou de la chaîne, ou de la trame. Que si elle paraît encore au vêtement, ou dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans quelque chose que ce soit de peau, c'est une lèpre qui a boutonné, vous brûlerez au feu la chose où est la plaie. Mais si tu as lavé le vêtement, ou la chaîne, ou la trame, ou quelque chose de peau, et que la plaie s'en soit allée, il sera encore lavé, puis il sera net. Telle est la loi de la plaie de la lèpre au vêtement de laine, ou de lin, ou en la chaîne, ou en la trame, ou en quelque chose que ce soit de peau, pour la juger nette, ou sous